Les années, de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. 10e et dernière émission. Sur les photos et les films classés par date qu'on faisait défiler sur l'écran, par-delà la diversité des scènes et des paysages, des gens, se répandait la lumière d'un temps unique. Une autre forme de passé s'inscrivait, fluide, à faible teneur de souvenirs réels. Il y avait trop d'images pour s'arrêter sur chacune et ranimer les circonstances de la prise. Nous vivions en elles d'une existence légère et transfigurée. La multiplication de nos traces abolissait la sensation du temps qui passe. Il était étrange de penser qu'avec les DVD et autres supports, les générations suivantes connaîtraient tout de notre vie quotidienne la plus intime. Nos gestes, la façon de manger, de parler, de faire l'amour, les meubles et les sous-vêtements. L'obscurité des siècles précédents, peu à peu repoussée de l'appareil sur trépied chez le photographe à la caméra numérique dans la chambre à coucher, allait disparaître pour toujours. Nous étions à l'avance ressuscités. Le processus de mémoire et d'oubli était pris en charge par les médias. Ils commémoraient tout ce qui pouvait l'être. L'appel de l'abbé Pierre, la mort de Mitterrand et de Marguerite Duras, le début et la fin des guerres, le pied sur la lune, Tchernobyl, le 11 septembre. Chaque jour avait son anniversaire, d'une loi, de l'ouverture d'un procès, d'un crime. Ils découpaient le temps en années yéyé, babacool, sida, divisaient les gens en générations. De Gaulle, Mitterrand, 68, baby-boom, numérique. On était de toutes et d'aucune. Nos années à nous n'étaient pas là. Nous mutions, nous ne connaissions pas notre forme nouvelle. Si on essayait de recenser les choses survenues en dehors de soi, on voyait à partir du 11 septembre un surgissement d'événements rapides, une succession d'attentes et de peurs, de temps interminables et d'explosions qui sidéraient ou affligeaient violemment. Rien ne sera plus comme avant, était le leitmotiv. Puis disparaissait, oublié, irrésolu, commémoré l'année d'après, sinon le mois, comme de l'histoire lointaine. Il y avait eu le 21 avril, la guerre en Irak, sans nous, heureusement, l'agonie de Jean-Paul II, un autre pape dont on ne retenait pas le nom et encore moins le numéro, la guerre d'Atocha, le grand soir festif du non au référendum sur la Constitution européenne, les nuits rouges de flammes dans les banlieues, Florence-Aubenas, les attentats de Londres, la guerre du Liban entre Israël et le Hezbollah, le tsunami, Saddam Hussein extirpé d'un trou pendu on ne savait quand, des épidémies fuligineuses, le SRAS, la grippe aviaire, le chikungunya. Dans l'immense été de ce qui était devenu la grande canicule, se mélangeaient les soldats américains d'Irak renvoyés morts dans un sac plastique et les petits vieux clamsés de chaleur entassés dans des chambres froides aux halles de Rungis. Un discours mauvais cognait librement, rencontrant l'assentiment de la plus grande partie des téléspectateurs qui ne s'émouvaient pas d'entendre le ministre de l'Intérieur vouloir nettoyer au Karcher la racaille des banlieues. Les vieilles valeurs étaient brandies, l'ordre, le travail, l'identité nationale, lourde de menaces contre des ennemis qu'il était laissé aux honnêtes gens le soin de reconnaître. Les chômeurs, les jeunes de banlieue, les immigrés clandestins, les sans-papiers, les voleurs et les violeurs, etc. Jamais un si petit nombre de mots n'avait propagé autant de foi depuis longtemps. Des mots auxquels les gens s'abandonnaient comme s'ils avaient le tournis de toutes les analyses et informations. Le dégoût des 7 millions de pauvres, des SDF, des statistiques du chômage, qu'ils s'en remettaient à la simplicité. Les vieux nouveaux philosophes radotaient à la télé leurs anciens discours, l'abbé Pierre était mort, les guignols ne faisaient plus rire, et Charlie Hebdo gérait ses anciennes indignations. On pressentait que rien n'empêcherait l'élection de Sarkozy, le désir des gens d'aller à son terme. Il y avait de nouveau une envie de servitude et d'obéissance à un chef. Au milieu de cette première décennie du XXIe siècle, qu'on n'appelait jamais année zéro, À la table où nous avions réuni les enfants bientôt quadragénaires, même si en jean et converse ils avaient toujours l'air d'adolescents, leurs compagnons et compagnes, les mêmes depuis plusieurs années, et les petits-enfants, leur adjoignant la présence de l'homme passé du statut transitoire d'amant caché à celui de compagnon stable, admissible dans les réunions familiales, la conversation fourmillait d'abord de questions réciproques. Sur le travail, précaire ou menacé par un plan social dû au rachat de l'entreprise, les modes de transport, les horaires et les congés, le nombre de cigarettes par jour et l'arrêt du tabac, sur les loisirs, photos et musique, téléchargements, sur les derniers achats d'objets nouveaux, la dernière version de Windows, le dernier modèle de portable, la 3G, sur le rapport à la consommation et l'usage du temps. Tout ce qui permettait de réactualiser la connaissance des uns sur les autres, d'évaluer les styles de vie, en confortant secrètement la croyance en l'excellence du sien. On parlait de l'élection présidentielle à venir. Il renchérissait à qui mieux mieux sur l'inanité de la campagne, leur colère du gavage Ségo-Sarko, raillait l'ordre juste et les gagnants-gagnants de la candidate socialiste, sa façon molle et bien éduquée d'aligner des phrases creuses, s'effrayait du talent populiste de Sarko et de son irrésistible ascension. On convenait de l'incapacité à choisir entre Beauvais, Voynet ou Besancenot. À la limite, on avait envie de voter pour personne, assuré que cette élection-là ne changerait pas la vie. Tout au moins pouvait-on espérer que ce ne serait pas pire avec la socialiste. On écoutait, intervenait discrètement, soucieuse de tenir le rôle de modératrice, d'empêcher l'exclusion des pièces rapportées en se plaçant au-dessus des connivences de couple et de filiation, attentive à détourner les prémices de discorde, tolérant les moqueries sur notre ignorance technologique. On se sentait la cheftaine indulgente et sans âge d'une tribu uniformément adolescente, ne parvenant pas à réaliser que nous étions grands-parents, comme si pour toujours ce titre était dévolu à ses grands-parents à soi, une sorte d'essence à laquelle leur disparition ne changeait rien. Une fois de plus, dans les corps rapprochés, le passage des toasts et du foie gras, la mastication et les plaisanteries, l'évitement de la gravité, se construisait la réalité immatérielle du repas de fête. Réalité dont, quand on s'en extrayait quelques minutes pour fumer une cigarette ou surveiller la cuisson de la dinde, et qu'on rejoignait la tablée bourdonnante, déjà étranger au nouveau sujet de conversation, on ressentait la force et la compacité. Et quelque chose de l'enfance se rejouait ici. Une scène ancienne et dorée, avec des gens assis aux figures brouillées, dans une rumeur indistincte de voix. On regardait l'heure, on sortait de la durée sans aiguille du repas de fête. Les jouets, les doudous et l'attirail de puériculture accompagnant tous les déplacements étaient rassemblés. Après les effusions et les remerciements du départ, l'ordre aux enfants de faire un bisou et l'interrogation circulaire « on n'a rien oublié », les univers privés des couples se reformaient et se dispersaient dans leurs voitures respectives. Le silence nous tombait dessus. On enlevait la rallonge de la table, démarrait le lave-vaisselle. On ramassait un vêtement de poupée abandonné sous une chaise. Nous nous sentions dans la plénitude fatigués d'avoir, une fois encore, bien reçu tout le monde, franchi harmonieusement les étapes du rite dont nous étions maintenant le plus ancien pilier. Sur cette photo, prélevé parmi des centaines contenues dans des pochettes photoservice ou stockées dans un fichier informatique, une femme d'un certain âge, aux cheveux blonds roux, en pull noir décolleté, est assise, presque renversée, dans un gros fauteuil chamarré, et entoure de ses deux bras une petite fille en jean et pull de camionneur vert pâle, installée de guingois sur ses genoux croisés, dont l'un seulement est visible, gainé de noir. Les deux visages sont rapprochés, légèrement décalés. Celui de la femme, pâle avec une rougeur éparse d'après repas, un peu émacié, le front strié de rides fines, souriant. celui de l'enfant, mat, de grands yeux bruns, sérieux, en train de dire quelque chose. Seule similitude, le désordre des cheveux identiquement longs, avec des mèches ramenées jusqu'au devant du cou chez l'une et l'autre. Les mains de la femme, aux articulations marquées, presque noueuses, en avancée sur la photo, paraissent démesurées. Son sourire, sa façon de fixer l'objectif, son geste d'enserrer l'enfant, moins de possession que d'offrande, évoque un tableau de transmission familiale, l'établissement d'une filiation, grand-mère présentant sa petite-fille. En fond, les rayons d'une bibliothèque avec les reflets de la lumière captés par le dos plastifié de Pléiade. Se détachent deux noms, Pavese, Elfriede Jelinek. Décor traditionnel d'une intellectuelle, chez qui les autres supports culturels, DVD, cassettes vidéo, CD, sont séparés des livres comme ne participant pas de la même sphère ou de la même dignité. Au dos, Sergi, 25 décembre 2006. Bien que, entre la photo précédente sur la plage de Trouville et celle-ci de Noël 2006, un certain nombre de faits soient survenus dont, en négligeant le degré et la durée du bouleversement qui les a entourés, les enchaînements possibles de cause à effet des uns par rapport aux autres, la liste s'établit ainsi. La rupture avec celui qu'elle appelait le jeune homme, poursuivi lentement et secrètement par elle, avec ténacité, décidé irrévocablement le samedi de septembre 99, où elle a vu se débattre sur l'herbe, pendant de longues minutes avant de mourir, une tanche qu'il venait de pêcher, qu'elle a mangée avec lui le soir, dégoûtée. Sa mise à la retraite, qui avait signifié pendant si longtemps l'extrême limite de son imagination de l'avenir, comme plutôt la ménopause. Du jour au lendemain, les cours rédigés, les notes de lecture pour les préparer n'ont plus servi à rien. Faute d'emploi, le langage savant acquis pour expliquer les textes s'est effacé en elle, obligée, quand elle cherche sans la retrouver la dénomination d'une figure de style, de convenir, comme sa mère le faisait à propos d'une fleur dont le nom lui échappait, « Je l'ai su ». Une jalousie vis-à-vis de la nouvelle compagne d'âge mûr du jeune homme, comme si elle avait besoin d'occuper le temps libéré par la retraite ou de redevenir jeune dans une souffrance amoureuse qu'il ne lui avait jamais procurée quand ils étaient ensemble. Jalousie qu'elle a entretenue à la manière d'un travail pendant des semaines jusqu'à ne plus vouloir qu'une chose, en être débarrassée. Un cancer qui semblait s'éveiller dans le sein de toutes les femmes de son âge et qui lui a paru presque normal d'avoir parce que les choses qui font le plus peur finissent par arriver. Au même moment, elle a reçu l'annonce qu'un enfant se formait dans le ventre de la compagne de son fils aîné. Une fille a révélé ensuite l'échographie, alors qu'elle avait perdu tous ses cheveux à cause de la chimio. Ce remplacement rapide, sans délai, d'elle dans le monde, l'a extrêmement troublée. Dans cet entre-deux d'une naissance certaine et de sa mort possible, la rencontre d'un homme plus jeune, dont la douceur et le goût pour tout ce qui fait rêver, les livres, la musique, le cinéma, l'attire. Hasard miraculeux qui lui offre l'occasion de triompher de la mort par l'amour et l'érotisme. Puis leur histoire, continuée dans une relation de présence et d'absence alternée, en des résidences différentes, seul schéma convenant à leur difficulté d'être et de ne pas être ensemble. La mort à 16 ans de la chatte noire et blanche d'espèce commune, redevenue après des années de graisse ballottante aussi frêle que sur la photo de l'hiver 92, et qu'elle a recouverte avec la terre du jardin en pleine canicule, tandis que les voisins sautaient en hurlant dans leur piscine. Avec ce geste qu'elle accomplissait pour la première fois, il lui a semblé enterrer tous les défunts de sa vie. Ses parents, sa dernière tante maternelle, l'homme plus vieux qui a été son premier amant après le divorce, resté son ami, mort d'un infarctus 2 étés plus tôt, et anticipé son propre enfouissement. Heureuse ou malheureuse, ces choses, quand elle les compare aux autres plus lointaines de sa vie, ne lui paraissent avoir en rien modifié ses façons de penser, ses goûts et ses intérêts tels qu'ils se sont constitués aux alentours de 50 ans, en une espèce de solidification intérieure. Ce qui a le plus changé en elle, c'est sa perception du temps, de sa situation à elle dans le temps. Alors que s'accroît la distance qui la sépare de la perte de ses parents, 20 et 40 ans, et que rien dans sa manière de vivre et de penser ne ressemble à la leur, elle les ferait se retourner dans la tombe, elle a l'impression de se rapprocher d'eux. À mesure que le temps diminue objectivement devant elle, il s'étend de plus en plus bien en deçà de sa naissance et au-delà de sa mort. Quand elle imagine que dans 30 ou 40 ans, on dira d'elle qu'elle a connu la guerre d'Algérie, comme on disait de ses arrière-grands-parents, ils ont vu la guerre de 70. Elle a perdu son sentiment d'avenir, cette sorte de fond illimité sur lequel se projetaient ses gestes, ses actes, une attente de choses inconnues et bonnes qui l'habitaient, quand elle remontait le boulevard de la Marne en automne vers la fac, refermait les mandarins, plus tard sautait dans sa mini-Austin à la fin des cours, ramassait ses enfants à l'école, et plus tard encore, après son divorce et la mort de sa mère, partant pour la première fois aux États-Unis avec l'Amérique de Joe Dassin dans la tête. Jusqu'à il y a 3 ans, jetant une pièce dans la fontaine de Trévi avec le vœu de revenir à Rome. C'est un sentiment d'urgence qui le remplace, la ravage. Elle a peur qu'au fur et à mesure de son vieillissement, sa mémoire ne redevienne celle, nuageuse et muette, qu'elle avait dans ses premières années de petite fille, dont elle ne se souviendra plus. C'est maintenant qu'elle doit mettre en forme par l'écriture son absence future, entreprendre ce livre, encore à l'état d'ébauche et de milliers de notes, qui double son existence depuis plus de 20 ans, devant couvrir du même coup une durée de plus en plus longue. Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu'on l'entend généralement, visant à la mise en récit d'une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde, la mémoire et l'imaginaire des jours passés du monde, saisir le changement des idées, des croyances et de la sensibilité, la transformation des personnes et du sujet qu'elle a connu et qui ne sont rien peut-être, auprès de ceux qu'auront connu sa petite fille et tous les vivants en 2070. Traquer des sensations déjà là, encore sans nom, comme celle qui l'a fait écrire. Ce sera un récit glissant, dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent au fur et à mesure jusqu'à la dernière image d'une vie. Une coulée suspendue cependant, à intervalles réguliers, par des photos et des séquences de films qui saisiront les formes corporelles et les positions sociales successives de son être, constituant des arrêts sur mémoire en même temps que des rapports sur l'évolution de son existence, ce qui l'a rendue singulière, non par la nature des éléments de sa vie, externe, trajectoire sociale, métier, ou interne, pensée et aspiration, désir d'écrire, mais par leur combinaison, unique en chacun. À cette sans cesse autre des photos correspondra en miroir le elle de l'écriture. Aucun je dans ce qu'elle voit comme une sorte d'autobiographie impersonnelle, mais on et nous, comme si à son tour elle faisait le récit des jours d'avant. Quand elle désirait écrire, autrefois, dans sa chambre d'étudiante, elle espérait trouver un langage inconnu qui dévoilerait des choses mystérieuses, à la manière d'une voyante. Elle imaginait aussi le livre fini comme la révélation aux autres de son être profond, un accomplissement supérieur, une gloire. Que n'aurait-elle pas donné pour devenir écrivain, de la même façon qu'enfant, elle souhaitait s'endormir et se réveiller Scarlett O'Hara. Par la suite, dans des classes brutales de 40 élèves, derrière un caddie au supermarché, sur les bancs du jardin public à côté d'un landau, ses rêves l'ont quittée. Il n'y avait pas de monde ineffable surgissant par magie de mots inspirés, et elle n'écrirait jamais qu'à l'intérieur de sa langue, celle de tous, le seul outil avec lequel elle comptait agir sur ce qui la révoltait. Alors, le livre à faire représentait un instrument de lutte. Elle n'a pas abandonné cette ambition. Mais plus que tout, maintenant, elle voudrait saisir la lumière qui baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourritures évanouies. Cette lumière qui était déjà là dans les récits des dimanches d'enfance et n'a cessé de se déposer sur les choses aussitôt vécues. Une lumière antérieure. Sauvée. Le petit bal de Bazoches-sur-Rhône avec les auto-tamponneuses. La chambre d'hôtel rue Beauvoisine, à Rouen, non loin de la librairie Le Pouzet où Kayat avait tourné une scène de Mourir d'aimer. La tireuse de vin au carrefour de la rue du Parmelan, Annecy. Je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. Le manège du parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains. La toute jeune femme en manteau rouge qui accompagnait l'homme titubant sur le trottoir qu'elle était allée chercher au café Le Duguay-Clin en hiver à La Roche-Posay. Le film des gens sans importance. L'affiche à demi déchirée 36-15 Ula au bas de la côte de Fleury-sur-Andelle. Un bar et un jukebox qui jouait Apache. Atelli au corner. Finchley. Une maison au fond d'un jardin. 35 avenue Edmond Rostand à Villiers-le-Bel. Le regard de la chatte noire et blanche au moment de s'endormir sous la piqûre. L'homme en pyjama et chaussons tous les après-midi dans le hall de la maison de retraite à Pontoise, qui pleurait en demandant aux visiteurs d'appeler son fils, entendant un bout de papier sale où était écrit un numéro. La femme de la photo du massacre de Hocine, Algérie, qui ressemblait à une Pietà. L'éblouissant soleil sur les murs de San Michele, depuis l'ombre des Fondamenta Nuove. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. C'était « Les années » de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. 10e et dernière émission. Avec Ludmila Michael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et les voix de Marie-Bénédicte Roy, Lucienne Troca, Hervé Colombel, Jean-Claude Sachaud, Philippe Bautier, Yolande Folliot, Christiane Millet, Thomas Agols, Souliane Brahim. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les années de Annie Ernaux est publiée aux éditions Gallimard.